Les masses médias du monde ont présenté du 4 au 7 courant la nouvelle de la direction sur place du tir expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14 par le dirigeant suprême Kim Jong-un après avoir donné l'ordre de tir d'essai. Les pages internet russes Irkutsk Blogspot.ru, le journal thaïlandais Bangkok Post, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, l'agence de presse iranienne Parus, l'agence de presse Sana et les journaux Al-Bahas, Al-Saoura, Tishrin et Al-Watan de Syrie, la Télésur, la VTV et le journal internet MSN du Venezuela, l'agence de presse laotienne, le journal Rising Europe et l'agence de presse internet Voice of Millions de l'Inde, les journaux singapouriens Straits Times et Lian He Tao Baon, les pages internet du Comité national nigérien d'études du Mursunisme-Mundialisme, du Comité national d'études des études justices du Congo démocratique, de l'Association d'amitié avec la Corée de toute l'Inde et de l'Association d'amitié Pakistan-Corée ont informé de cette nouvelle sous divers titres comme « Le dirigeant suprême de la Corée du Nord ordonne le tir expérimental de la fusée balistique intercontinentale et la fusée balistique intercontinentale de la Corée du Nord mettre fin à la menace de guerre nucléaire des États-Unis » avec les photos des dirigeants suprêmes coréens.